n'aurai plus tant de chagrin. Je verrai fleurir l'espoir sur mon chemin. Je retrouverai le goût de vivre et de chanter, la couleur du ciel pour moi serait changée. Tu ne sais pas combien je t'aime, tu es si loin de moi. Si tu m'écrivais pour quelques mots venant de toi, j'imaginerais enfin que tu es là. Tu m'es